Le diamant, par Jean Rebrard. Pouah ! Fit Dusselier. Tous les rocambolesques exploits des bandits de nos jours ne valent pas à mes yeux la simple aventure de John Grumble. Ce John Grumble qui exerçait, par-delà l'océan, divers métiers, dont le plus honorable était pour lui assurer, plutôt que la fortune, un siège sur le fauteuil électrique, était venu s'échouer dans je ne sais plus quel hôpital de New York ou de Chicago. Une quelconque laparotomie ayant été jugée nécessaire, un professeur éminent y procéda. C'était un virtuose du bistouri qui, à l'instar de notre péant, aimait officier en habit, glorieux de montrer ensuite un plastron vierge et des manchettes immaculées. Mais le tour de force, cette fois, devait être plus remarquable encore, car au lieu de travailler dans de la chair inerte, le maître dut opérer sur le vif. Grumble, qui en avait vu bien d'autres, s'étant obstinément refusé à se laisser endormir. Il montra d'ailleurs une telle fermeté que non seulement les aides n'eurent aucune peine à le maintenir, mais que, pleinement rassuré de n'observer pas même chez le patient le moindre tressaillement des muscles, ils se relâchèrent peu à peu de leur surveillance jusqu'à abandonner un inutile office pour ne plus s'intéresser qu'à l'opération elle-même. Or, le ventre dûment réparé, nettoyé, recousu, une surprise troubla le triomphe du professeur. Un des boutons de son plastron avait disparu. Il ne s'agissait point d'un objet banal, mais d'un bijou de prix, un diamant, qui valait plusieurs milliers de francs. Sa perte, en outre, dépareillait une parure vraiment royale. Toutes les recherches étant demeurées vaines, une conclusion s'imposa. Le bijou s'était fourvoyé dans la cavité abdominale de l'opéré. En pareil cas, rien n'est plus simple, on rouvre et tout est dit. Malheureusement, le sujet regimba. Une fois lui suffisait. Sur le moment, le chirurgien n'insista pas. Le malade, sans doute, ne tarderait pas à être assez incommodé par la présence de ce corps étranger pour qu'il demandât de lui-même à en être débarrassé. Des jours coulèrent. Cependant, la guérison se poursuivait d'une manière normale, et bientôt l'instant approcha où, complètement remis sur pied, le bonhomme allait quitter l'hôpital en portant le diamant. Le chirurgien offrit 2 000, 4 000 $, puis, devant l'obstination de Grumble, il s'intéressa, en désespoir de cause, aux tribunaux. L'embarras des magistrats fut grand. L'espèce était neuve et, de plus, il tournait dans un cercle vicieux. Pour ordonner l'ouverture du ventre, il aurait fallu la preuve que le dit ventre recelait bien véritablement le bijou. Et les rayons X étant encore inconnus à cette époque, comment détenir cette preuve si le ventre n'était préalablement ouvert? Les juges donc, ajournant leur décision, se bornèrent à placer le diamant sous séquestre, là où il était supposé. Naturellement, Grumble fut nommé gardien du séquestre, la cicatrice servait de scellé, mais par mesure de prudence, le policeman reçut sur mission de ne le quitter ni jour ni nuit, afin de s'opposer, le cas échéant, à toute tentative d'effraction. Les policemen eussent risqué de mener, à la remorque du vivant coffre-fort, une existence dénuée d'agrément, parmi les workhouses et les bouges. Et déjà, ils songea lui procurer un coup de couteau dans quelques rixes, lorsqu'un Barnum engagea Grumble pour une série d'exhibitions à travers les deux Amériques. L'affaire, cependant, était toujours en délibéré. Elle y demeura si longtemps que les délais fixés par la prescription furent atteints, et que le jour vint où Grumble, soit qu'on l'assimila à un receleur, soit que le bijou fût considéré comme un objet perdu, se trouva mis définitivement hors de cause et déclaré légitime possesseur. Grumble, alors, eut une idée géniale. Il mit le diamant en loterie. La loterie, naturellement, ne devait être tirée qu'après sa mort. Le bijou pouvait avoir voyagé, et il craignait que sa recherche ne donnât lieu à des explorations trop désagréables et même dangereuses. En revanche, il percevait immédiatement le montant des billets. Le succès fut énorme. Devenu riche, Grumble, du même coup, devint le plus honnête homme du monde. Il passa la mer, vint à Paris. Un syndicat de porteurs de billets avait mobilisé une armée de détectives qui l'entourait d'une surveillance discrète, grâce à quoi son existence fut comparable à celle d'un prince voyageant incognito. Elle fut princière à d'autres égards aussi, car il n'y apporta nulle mesure. Si bien que le changement d'habitude aidant, les excès de toutes sortes où il se laissa entraîner ne mirent guère que 2 ou 3 ans, le temps d'ailleurs qu'il avait fallu pour se ruiner, pour venir à bout de sa robuste constitution. Sur la nouvelle officielle de sa mort, la loterie fut tirée, tandis que le corps, scellé, plombé, était ramené en Amérique par les soins des détectives. Là, en séance solennelle, les sommités médicales procédèrent à l'autopsie. La parfaite intégrité de la cicatrice constatée, on la rouvrit. Bistouri de s'évertuer, de tailler, couper, trancher. Les médecins s'étonnèrent de ne rien découvrir. Ils poussèrent les fouilles plus avant, d'anse en anse, de membrane en membrane, de repli en repli. La cavité demeura enfin nette et de diamant point. On se perdit en conjectures. Plusieurs soupçonnèrent un escamotage des docteurs. D'autres accusèrent quelqu'un des aides de s'être approprié autrefois le bijou tombé sur le sol au cours de l'opération. Des savants s'en mêlèrent, qui émirent l'hypothèse d'une résorption du diamant par les liquides du corps humain. Et ils raisonnaient par analogie avec le cas de la perle, dont l'affinité pour notre espèce est si particulière que même morte, il suffit de la placer sur le sein d'une jolie femme pour l'y voir renaître tout autant qu'elle pourrait faire en son propre milieu de nature, qu'est l'huître même. On leur objectait bien qu'on aurait dû, en ce cas, retrouver la monture. Mais de telles objections n'ont pas coutume d'arrêter les savants et sans doute ils auraient diaboliquement persévéré dans leur erreur si le hasard n'avait pourvu tout à coup à la découverte de la vérité. L'événement avait eu trop de notoriété pour que la photographie de Grimbel ne fût pas répandue à des millions d'exemplaires. Un bijoutier ne tarda pas d'y reconnaître l'homme qui lui avait vendu quelques mois plus tôt un diamant magnifique. Il câbla, le diamant fut examiné, identifié, c'était bien celui-là. C'était le diamant par Jean Rébrard.